J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape, que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Et salut à tous et bienvenue dans ce 34e épisode de Comics Discovery, l'émission qui vous fait découvrir le monde du... Du comics, encore. Ah, c'est bon. Cette fois, ils arrivent à suivre. Et donc, nous sommes en direct à la radio, comme d'habitude, sur Radio Campus Montpellier, sur le 102.2. Et mais en plus, nous sommes en live stream sur YouTube, sur la chaîne de l'Amicale du Geek. Salut à tous les gens qui nous regardent, s'ils sont là. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore de vue sur le chat. On va voir ça après la première pause musicale. Et on pourra parler avec vous et on va vous faire gagner des places pour aller voir... Wonder Woman au cinéma au Gaumont Multiplex. Et si tu veux me passer la boîte qui est juste là-bas, une seule ça suffira. C'est des gâteaux ? Ce n'est pas des gâteaux. On va vous offrir ceci. Bah, je sais pas si vous les voyez bien. On les voit pas du tout. Est-ce que là on les voit bien ? Un tout petit peu. Ok. On a du mal à voir à quoi ça m'attend. Je vais les passer peut-être devant la caméra. Excuse-moi. Mets un peu dans le dessin à Juni. On va les laisser là. Nickel. Attends. Voilà, donc on va vous offrir une boîte de 6 donuts, donc fait maison, de chez mydonuts.fr. Allez les voir, elles sont vraiment très très sympas. Et en plus, elles font, on goûtera ça tout à l'heure. On vous dira si c'est bon ou si c'est pas bon. A priori, ça a l'air très très bon. Mais on va commencer direct, où j'ai même pas dit bonjour à mon équipe. Excusez-moi, salut Mathieu, est-ce que ça va? Ouais, non, ils sont beaux tes gâteaux, ça va, on sait. Ouais. C'est bon? Est-ce que t'as passé une bonne semaine? Ouais. Ok. Je suis très bien. Juni qui est en train de dessiner, vous voyez, pour l'instant je gribouille des trucs. Tu gribouilles des trucs, est-ce que ça va Juni? Ça va. On a la chance d'avoir Aros de Geek en série qui nous fait la régie vidéo. Salut à Merci tous. À lui. Et un petit nouveau dans l'équipe, c'est Bertrand. Salut Bertrand. Salut à tout le monde. Donc on va commencer direct par les news, directement. Allez, c'est parti. Avec ce générique qui est toujours aussi bien. Et on va commencer par une news série télé, puisque c'est le Punisher qu'on n'attendait pas avant de voir donc la série de Marvel, Netflix, qui devait pas débarquer avant 2018. Mais finalement, selon les dires d'une des réalisatrices d'un des épisodes, qui s'appelle Dear Bla Walsh, qui nous a dit dans une interview: j'ai fait un épisode de série que j'ai réalisé pour la nouvelle série Marvel Punisher, et que j'ai fait avant Noël, et qui sera diffusé avant novembre. Donc peut-être que la série va débarquer 3 mois après les Defenders. Donc pour les gens qui ne savent pas, Defenders, qui ne savent pas. Merci. Il est là pour ça aussi. Oui, non, il est pas là pour ça. Mais faire attention. Donc Defender va débarquer mi-août sur vos écrans. Enfin, sur Netflix en tout cas. Et apparemment, peut-être que le Punisher va arriver. Enfin, le Punisseur en français. Ouais, ou le Franck Château. Punisher, c'est bien. Franck Château, non. Le Pénisseul. Francis Château, non. Cette blague est nulle. On va arrêter. Donc voilà, il devrait débarquer 3 mois après. Donc c'est quand même bizarre comme communication que ce soit une réalisatrice comme ça qui dit ouais, j'ai fait un truc, ça sort là dans 2 jours. Ouais, c'est vrai. C'est un peu chelou. Est-ce que c'était prévu même? Non, ça a pas l'air d'être prévu. On dirait un truc qu'elle a balancé comme ça en mode. T'as des gens qui sont dans la merde là, maintenant, au jour d'aujourd'hui. Une pensée pour eux. Non, sinon pourquoi pas après tout, mais c'est peut-être plus pour occuper du coup le l'écran. Mais bon, si t'as le Defender qui sort en août, tu t'en fous, à la limite t'aurais pu attendre un peu. Après c'est quoi, il y a Daredevil saison 3, il y a Jessica Jones aussi. Ouais, peut-être que ça commence à se bousculer, ils ont voulu tenter d'éparpiller. Mais bon là encore une fois, ouais, c'est fait. Ouais, c'est bizarre. Notre spécialiste série, tu veux dire quelque chose ou pas? Bon, ils ont tellement de séries Marvel Netflix que oui, enfin, c'est pas si étonnant que ça sorte finalement trop. D'ailleurs, ils ont tellement de séries qu'ils en allument une. Alors, que ça va rien. Non, c'est pas grave. On va pas se battre ici. D'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, le Punisher, oui, pourquoi pas, écoute. Après tout, je veux dire. Ça a été annoncé en même temps que la sortie de Daredevil saison 2 et c'était l'année dernière. Ouais, déjà. Et ça leur laisse suffisamment de temps pour la sortir quand même. Ok. C'est logique. Et Bertrand, est-ce que ça te hype de voir John Bertal en train de casser du voyou? Je sais pas, j'ai un petit peu de mal en ce moment avec Netflix, avec les nouvelles annulations dernièrement. Ah, toi aussi, tu as du mal avec Sunset, toi aussi? Et ça a piqué un petit peu, j'ai beaucoup pleuré la semaine dernière. Ah bah, on est deux, hein. Donc ouais, moi j'attends bien, j'ai bien envie de voir. Il était très bien dans la saison 2 d'Ardeville en tant que faire-valoir, je trouve. Là, une série à lui tout seul, c'est quand même pas un personnage. J'aime beaucoup le Punisher en comics, voilà, ça fait, voilà, c'est la caution badass, il y a du sang partout, c'est formidable. Là, je sais pas ce qu'ils vont arriver à faire quelque chose non plus. Il y a la plupart du personnage a déjà plus ou moins été approfondi dans la saison 2 d'Ardeville. Ça va être complexe de faire un truc un peu plus poussé, puissant, enfin on verra. Mais chronologiquement, je sais pas, on est au courant de quand ça se passe, est-ce que peu d'informations qu'on a. Faut demander à la dame là qui a réalisé un truc. Dirbla, elle a un nom vraiment bizarre. Hein. Ça se passe après, il y a Karen dedans. Ah ouais, Dirbla Walsh. Qu'est-ce que t'en penses, Johnny, toi, t'as pas donné ton avis encore? Pourquoi pas. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je m'intéresse pas nécessairement au personnage à la base, donc en soit faire une série dessus, s'ils ont pas de parti pris intéressant dessus, comment dire, plus original que les autres séries en fait. Je vais jeter un œil quand ça va sortir, mais là a priori le simple fait que ce soit Punisher, ça te hype. Bouf. Non, pas du tout. Okay. Bah, surtout quand je suis neutre en fait. D'accord. C'est pour ça en fait ils arriveront à me convaincre si c'est vraiment original par rapport aux autres. Comme ils ont réussi de convaincre avec Luke Cage qui avait un parti pris vraiment. Là en plus ça sentait, voilà, Bertal avait été très bon dans la saison 2. Ouais, et le mec on fait une série télé sur lui. Ouais, ça sent plus le projet un peu plus commercial que réfléchi. Mais bon, après s'il tue plein de gens, bon, ça peut être bien aussi. D'accord. Bon, on va passer à une autre news. Et il n'y a pas la petite virgule, c'est pas grave si elle est arrivée. Donc c'est Miss Marvel qui va faire ses grands débuts dans l'animation, dans la nouvelle série Avengers de Disney XD, qui s'appelle Avengers Secret War, qui est en fait la suite directe de Avengers Ultra Revolution, qui se passe en ce moment sur Disney XD. Donc on va voir tout plein de nouveaux Avengers chez nos amis les Avengers de Disney XD. Donc notamment Miss Marvel, donc Kamala Khan, Captain Marvel, Black Panther, Vision, Ant-Man et Wasp. Et comme le nom de la série le fait entendre, donc Avengers Secret War, selon les pontes de chez Disney, on va voir le Battle World. Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. C'est rigolo, les personnages que tu dis là, ils vont tous sortir dans un film d'ici la fin de l'année, ouais, un truc comme c'est ça. Vrai. C'est bien. Moi j'aimerais un film Kamala avec Miss Marvel, ce serait cool. Oui, ouais, le oui de la tête, ça fonctionne pas en radio. Oui, c'est vrai. On le voit là. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié. J'ai lu Miss Marvel, j'ai beaucoup apprécié. C'était c'est frais, c'est nouveau. Ouais, c'est vrai. C'est une très bonne série. Moi j'aime bien. C'était bien de voir un petit peu de diversité qui changeait un peu des standards actuels. Ouais. Actuels. Ok. Donc il y a quelqu'un qui est c'est un peu la caution dessin animé de l'équipe, ouais. Non alors Marvel, enfin Disney vient de sortir un extrait de leur prochaine série animée Spider-Man et c'est affreux. Ah oui, et ça les fait des années maintenant beaux, ouais, que la majorité des séries qui sortent sur Marvel, c'est des trucs qui, comment dire, l'animation est affreuse. Et je sais pas si c'est la série qui passe sur France 4 en ce moment, qui est pas géniale, Avengers. Je les regarde plus. Ils ont une série Avengers, ils ont une série Spider-Man, ils ont une série Gardiens de la Galaxie aussi. Ouais. Elles sont toutes plus ou moins interconnectées d'après ce que j'ai compris. Et le truc, c'est qu'entre l'animation qui est dégueu et le design qui est moche et... Je suis désolé d'être aussi négatif, mais c'est juste... En fait, comment dire, les personnages sont tellement intéressants à la base en bande dessinée, ils sont tellement bien mis en scène dans pas mal de bouquins, pas tous, mais bon... Et c'est juste dommage en fait. Et là, ça donne vraiment l'impression qu'ils ont fait ça un peu à l'arrache, j'ai envie de dire. Du coup, qu'ils fassent une nouvelle série, j'aurais envie de dire, faites-en des bonnes d'abord, ouais, avant d'en annoncer des nouvelles. Mais du coup, ils arrêtent la Avengers Ultron Révolution pour celle-là en fait. En fait, c'est qu'une suite, ils changent de titre. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est de voir Secret War en animation. Je sais pas si c'était. Enfin, moi, j'ai pas trop aimé en comics. Non, c'était nul. Donc, le voir en animation. Bon, pour moi, l'animation, plus je m'en fous. Donc, elle est pourrie ta news. Bon, d'accord. Ma news est pourrie, on va passer à une autre news. Et c'est une nouvelle ongoing qui est pas très étonnante, puisque c'est la série Runaway qui va débarquer chez Marvel. Et c'est pas très étonnant parce que bientôt la série The Runaway va arriver sur Hulu. Donc Marvel capitalise un peu sur... C'est Freeform. Hein. C'est pas Hulu, The Runaway? Hulu, c'est Cloak and Dagger, je crois. C'est pas le contraire? Attends, je vais vérifier, mais il me semble que Freeform, c'est Runaway. Ok, bon, c'est peut-être Freeform. On vérifie. Du coup, c'est pas vraiment le thème de la news, puisque c'est une nouvelle ongoing. Donc, pour les gens qui ne sauraient pas, une ongoing, c'est une nouvelle série qui est lancée par Marvel, mais qui a pas de fin. Donc, c'est pas comme une mini-série qui va avoir 4-5 titres. Là, une ongoing, ils vont lancer un nouveau truc. Qu'est-ce que ça vend plus. Ouais, voilà. Ça va tenir 3 numéros et ensuite ils vont arrêter. Ah, j'aurais dit 6, mais ouais. C'est faisable aussi. Et donc, qu'est-ce que j'avais noté Oui, alors, c'est une série qui va être signée par Rainbow Rowell, que vous connaissez peut-être si vous aimez bien les young adultes. Apparemment c'est une romancière qui fait pas mal de young adultes, et au dessin ce sera Chris Hakan, qui était sur Star-Lord avant et sur Uncanny X-Men. Je le connais pas. T'as raison, j'ai ni 3 épisodes. D'accord. Non, c'est vilain. Mais ouais. Moi, j'ai pas eu la chance de lire la série de Kevogan. C'était très bien en plus. C'était très bien. Ah, vraiment, ouais, la série. Donc, si je dis pas de bêtises, ce sont des fils de super vilains. Ouais, c'est des filles de super vilains. Et la première série, effectivement, de Brian Kevogan, qui est bon pour le coup un scénariste quand même. Qui a été repris par Joss Whedon après. Ouais, c'était vraiment, vraiment bien. C'était une maxi-série. Ça s'est arrêté au bout de. Il y a quand même pas mal de numéros. Et c'était vraiment frais pour le coup. Ça changeait un peu d'avoir effectivement les sempiternels super-héros qui se battent contre le même méchant toute la semaine. Okay. Là, pour le coup, ça faisait un regard un peu différent. Moi, je conseille, si vous pouvez. Et du coup, est-ce que tu tenteras la j'ai plutôt envie de relire celle de Brian Kevogan déjà, ouais, parce qu'il y a un petit moment. Et puis, je sais pas, ça fait réchauffer quand même. Oui, ça fait un concepts. Peu, on utilise les trucs qui sortent. Ouais, voilà. Donc bon, non, je pense pas. Je vais attendre peut-être 2-3 retours critiques, mais ça me paraît compliqué. Bertrand, est-ce que tu as eu la chance de lire le run de Kevogan et de Joss Whedon sur Runaway? Non, j'ai pas. Est-ce que j'ai eu la chance de lire... Est-ce que ça te hype un tout petit peu une nouvelle série Runaway? Je suis toujours curieux. Dès qu'il y a toujours des super-héros qui sortent, c'est nouveau, je suis toujours un peu curieux. Donc j'attends toujours de voir ce que les gens en pensent et pour faire mon avis après. Ok. Qu'il y a quelqu'un autour de la table qui a un avis? Est-ce que tu sais si c'est Freeform ou c'est Lulu? Alors j'ai un petit peu honte, effectivement, Runaway c'est Freeform, mais Lulu c'est donc Cloquet, j'ai bien préparé mes news. Bon, ok, bon bah Johnny, t'as pas dessiné? Je les connais pas de base, mais si je dois m'intéresser à l'univers, je vais commencer avec le bouquin d'origine. Ok, comme beaucoup apparemment autour de la table. Donc on va passer à une autre news. Et c'est une news que j'ai appelée il suffisait de demander. Alors c'est l'acteur Josh Gad qui vous avez vu récemment pour avoir présenté la Star Wars Célébration. Est-ce que tu vois qui c'est du coup? Oui, ouais, du coup oui. Sinon non. En fait, il a joué dans La Belle et la Bête de John Condon et dans le très très oubliable et le très très ignoble Pixel de Chris Columbus, qui est vraiment un des pires films que j'ai jamais vu de ma vie. Un film avec Adam Sandler. Franchement, ne regardez pas ce film, s'il vous plaît. Allez-y, il est sympa. Non, il est nul. Je pas, il est vilain. Et donc, Josh Gad a très très très envie d'incarner le pingouin au cinéma. Et il l'a fait savoir plusieurs fois assez insistement sur les réseaux sociaux. Et apparemment, ça a marché, puisque cette semaine, il a été pris en photo entouré de Geoff Johns, donc pas n'importe qui, président de DC Entertainment, et enfin président, directeur peut-être, et John Berg, un autre producteur, dans les locaux de DC Comics, avec dans les mains un comics où bien sûr sur la cover il y avait le pingouin, en disant il n'y a rien à voir ici. Donc voilà, à mon avis, ça a l'air d'être Moi je veux bien jouer dans le prochain Star Wars. D'accord. Bah vas-y. Écoute, tu vas faire quoi, nouveau? Je m'en fous. Un mec dans un coin, tu prends un coup de blaster, un trooper, on s'en bat les couilles. Voilà. Ça a l'air de marcher. Non, mais tant mieux pour lui, oui. Après. Ouais, bah c'est cool. Le mec a demandé. Donc ça avait marché pour Samuel Jackson. Hein. Il avait voulu absolument. Il avait fait chier le monde pour jouer dans Star Wars et avoir dans un sabre violet. Il a fini par y arriver. Ouais, mais en même temps, est-ce que tu dirais non à Samuel Jackson? Difficilement. C'est Nick Fury. C'est le. Là, c'était pas Nick Fury à l'époque. Pas encore. C'était C'était Samuel Jackson. Ouais, il a pas besoin d'être un personnage. C'est celui de Pulp Fiction. Tu pouvais difficilement dire non. Ouais, j'ai oublié son nom. Jules. Ouais, voilà. Du coup, bah voilà, je trouvais ça sympa. Et on va passer à moins que quelqu'un ait quelque chose à dire. Non, pas spécialement. Ok, on va passer à une autre news. Et on a enfin une date de sortie pour le jeu Battle Chasers. Donc pour les gens qui ne sauraient pas, Battle Chasers, c'est un comics culte de Joe Madureira qui était sorti en 98 chez Wildstorm. Et on sait, enfin pour les gens qui savent qui est Joe Madureira, qui est donc un dessinateur que vous avez peut-être vu sur Spider-Man ou sur pas mal de trucs chez Marvel. Ouais, il a pas de nom plus, il est très très long. C'est très très animation, très japonais ce qu'il fait en général. Mais c'est très beau, moi j'aime beaucoup Joe Madureira. Battle Chasers c'est culte parce qu'il a jamais fini, qu'il sortait un épisode tous les 6 ans et que ça rendait fou tout le monde, hein, c'est tout. Et on sait qu'il est très fan de jeux vidéo puisqu'il avait co-créé le studio Virgil Game où il avait sorti Darksiders 1 et 2 et après il a revendu le studio je sais plus qui et là en fait il a sorti un jeu qui a l'air très enfin les petites images qu'on en a eues ont l'air très cool sur l'univers de Battle Chasers qui s'appelait Battle Chasers Night War qui va être une espèce de action RPG franchement ça a l'air vraiment très cool et ça va sortir sur PS4, Xbox, Nintendo Switch et PC le 3 octobre et moi je trouvais ça très cool parce que je crois que c'est un des jeux que j'attends le plus cette année ça me hype beaucoup Zelda Kingdom mais Hearts. C'est pas vraiment dans le délire Zelda c'est plus ouais, Zelda est mieux de toute façon aussi, je sais pas. D'accord, quelqu'un d'autre a quelque chose à dire sur personne n'est fan de Joe Mad autour de la table, ça va c'est tout. Je suis extrêmement fan de ses designs pour Darksiders. Donc j'attends surtout le troisième en fait. Mais ouais, mais c'est plus lui qui est. Il y est pas. C'est pas grave. Il y a des dizaines qui lui ressemblent dedans. Ça me va très bien. Je veux juste une conclusion à l'univers en fait. D'accord. Donc je suis plus intéressé par Darksiders que. Que Battle Chasers. Ok, bon, on va passer à une autre news. Ah oui, il avait fait un truc avec Spider-Man aussi. Il avait fait une histoire de Spider-Man et Red Hulk qui partent dans une cité souterraine habitée par des hommes taupes. Ce truc, ça doit tenir en quoi 3 numéros grand max, 5, ouais, 5, et c'était super. Genre le dessin, le scénario, c'était des gens. Mais il a fait plein d'épisodes avec Spider-Man et un autre personnage de Marvel, qui était pas mal, avec Wolverine, c'est l'épisode avec Wolverine. Celle avec Hulk, c'était ma préférée. Ok. Et on va rester dans l'univers de Spider-Man puisque après Spider-Verse où notre ami Spider-Man retrouvait tous les Spider-Man de tous les univers confondus, donc c'est l'event où on a croisé notamment pour la première fois Spider-Gwen, un personnage très aimé par certains fans. Je ne comprends pas trop pour toi mais pourquoi pas. Et bah Marvel a vu que ça marchait, donc ils se sont dit ça marchait, on va refaire la même, mais cette fois avec Venom. Donc ils ont profité du fait que Eddie Brock, donc qui est le premier porteur du costume, après Peter Parker bien sûr, qui vient de récupérer le costume, pour lancer Venomverse, où tous les porteurs de symbiotes de plusieurs univers vont devoir s'allier pour contrer une race extraterrestre qui s'appelle les Poisons, qui sont très friands de costumes noirs. Donc ça va être un event écrit par Kellen Boom et dessiné par quelqu'un avec qui il a déjà travaillé sur Deadpool and the Mercenaire, c'est Idan Coelho, donc c'est un artiste espagnol, et ça va sortir au mois de mars en septembre. Et moi je trouve que ça sent vraiment autant The Runaway, ça sentait le réchauffé, là c'est même plus du réchauffé, hein. Ça sent le symbiote réchauffé. Ouais, exactement. Et puis Cullen Bunn, moi j'aime bien ce qu'il fait, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme Charles Soule en ce moment, c'est-à-dire que le type. Il est partout. Ouais, il a plein de séries. Mais il n'y a plus de scénariste chez Marvel. Non, ils sont tous cassés chez Image en général. Quoi. Et du coup, ouais, je suis quand même moins fan. Là, la série qui sort en ce moment, Uncanny X-Men en VF, c'est quand même pas terrible. C'est pas passionnant en fait, on s'en fout un peu quoi. Et je crois que c'est lui qui a scénarisé la mini-série Civil War 2 sur l'X-Men, qui est peut-être effectivement l'un des plus mauvais trucs que j'ai lu ces derniers temps. Ouais. Mais ça se voit que c'est un machin de commande. Même, tu lis le truc, tu vois qu'ils sont fous, les gars. Dis bon, oui, je suis passé par la porte, tiens, toi, scénarise un truc. Et pour le coup, je me méfie un peu, c'est con, parce que c'est un bon gars, j'ai lu des bons trucs de lui. Hein. Okay. Son Magneto était bien, son Sinestro était pas mal. Là, ouais, ça a pu le réchauffer. Johnny, un petit avis dessus. Je crois qu'on en a parlé. Quand Spider-Verse est sorti, j'avais trouvé que l'histoire principale était intéressante. Par contre, toutes les histoires annexes. Surtout les Spider-Man des univers parallèles, tous un peu bizarres. Ça, par contre, c'était génial. Ouais, du coup, de Spider-Gwen, Il y avait toujours une équipe différente. Il y avait toujours des Spider-Man avec un concept un peu fun ou un peu funky derrière qui était cool. Et d'ailleurs, je suis même tenté de toutes les acheter et garder toutes ces histoires annexes dans mon armoire. Et à mon avis, s'ils arrivent à faire à peu près pareil avec le nouveau... Du coup, ce sera pareil, mais en badass, quoi. Ouais, et du coup, s'ils arrivent à me faire des nouvelles versions de Venom qui sont fun, moi c'est bon, hein, je suis content. Ok. Bertrand, un petit avis sur... Je ne savais pas de base que Venom avait été aussi, je veux dire, aimé, parce que pour moi ça a toujours été le méchant, moche, dégoûtant, dégoulinant de... Ouais, mais il y a des fans de Venom, il y a vraiment des fans. Oui, il y a tout le monde... Enfin, ça dépend lequel. Tout le monde a le droit d'avoir des fans, mais je savais pas que ça avait... Enfin, qu'il avait autant de potentiel pour avoir justement sa propre... Sa propre Venomverse, du coup. Exactement. Ouais, moi non plus, c'est pas... Ça dépend comment il est géré, je dirais. Bon, après, mon Venom préféré, c'est Agent Venom, et c'était plus centré sur le mec qui le portait. Là, c'est Flash Thompson qui porte le costume. Et, qui... ouais, et c'était génial parce que c'était sur un mec qui avait perdu ses jambes à la guerre et qui devait gérer son handicap, sa tension permanente, le fait qu'il est un ancien soldat, il n'arrive pas trop à se réinsérer dans la société. Qu'est-ce qu'il avait d'autre encore? Il a une absence de chance qui est juste phénoménale. Mais c'est plus loin des thématiques de Venom, en fait, c'est vraiment le personnage. Ouais, c'est pour ça que je dis que ça change beaucoup d'un perso à l'autre, et ça dépend vraiment de ce que tu cherches, en fait. Et là, en l'occurrence, c'était plus centré sur le mec que sur Venom en soi. Venom était juste un, bah, c'était juste un costume dans cette histoire là. Ok. C'était Eric Remender non qui scénarisait ouais. ça. Ça aide. Ouais, c'est sûr. Ok, bon, on va passer à la dernière news. Et c'est Cliff Young qui décidément est vraiment très très sympa, en plus de très bien dessiné, puisque après l'arrivée à la tête du planning familial de Theresa Manning, qui a été parachutée par Donald Trump, qui est une femme anti-avortement et anti-contraception, donc c'est parfait pour gérer le planning familial. Donc il y a plein d'artistes qui se sont un peu mobilisés pour défendre le droit des femmes, et c'est le cas de Cliff Young, donc vous connaissez peut-être pour avoir dessiné Paper Girl avec Brian K. Vaughan, et Wonder Woman avec Brian Azzarello, dont va nous parler dont va nous parler de lui tout à l'heure. Je le suis. Donc oui, ouais, c'est un très très bon dessinateur, et donc il a décidé de vendre des planches originales à lui, justement celle de Wonder Woman, qui sera, dont les bénéfices seront entièrement reversés au planning familial. Donc si vous vous sentez d'humeur un peu généreuse, et ben sachez que ça va de 120 à 150 euros pour de l'intérieur, donc pour des trucs avec des cases et des trucs avec des oui bon c'est oh, génial, c'est génialement dit. C'est pour, j'essaie d'être le plus New Reader Flendry. Et pour une cover, ça va jusqu'à 1500$. Donc c'est un peu plus cher. Bon, envoyez vos sous à Juni parce qu'il y en a besoin. Donc ouais, parce que si vous avez envie de filer un peu de thunes au planning familial américain, c'est le moment de le faire. Parce qu'en plus, vous pouvez avoir des très belles planches de Cliff Young. Et je trouve ça cool de sa part de se mobiliser pour ça, c'est intéressant, non, ou non si, oui. Si, oui, ouais. Si, non, c'est une bonne initiative, ouais. Bah, ça, c'est bien de leur tenter de les emmerder un peu, c'est Trumpiste et consort, là. Ok, bon, on va passer aux sorties de la semaine, et je vous ai noté, trois sorties. Donc, il y a deux sorties chez Aquilos qui ont l'air pas mal du tout. Alors, il y a Giant Days chez Aquilos pour 10€, qui est dessiné par, enfin, qui est écrit par John Allison et Lisa Trainman. Donc, c'est un truc de slice of life. C'est en colocation à la fac depuis maintenant 3 semaines. Suzanne, Esther, Daisy sont très rapidement devenues d'excellentes copines, mais face aux dragueurs lourdingues et à de drôles de moisissures dans leur chambre et à la grippe, elles pourront se considérer chanceuses si elles tiennent jusqu'au printemps. Et j'en ai entendu vraiment beaucoup beaucoup beaucoup de bien sur les réseaux sociaux, notamment chez Too Many Books. Si vous connaissez pas la chaîne Too Many Books, allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment très sympa. Et je le coupe. Ok, c'était tout, je comprenais pas c'était quoi c'est le son. C'est Cliffiant qui l'appelait pour moi. Oh, j'aimerais tellement. Donc voilà, ça me hype. Est-ce que vous en avez entendu parler autour de la table? Le pitch est vachement chelou, mais ouais, c'est un truc de slice of life un peu sympathique sur des filles en coloc à la fac, donc il y a des batailles de polo champ peut-être, ouais, et pour 10€, ouais, franchement, ah, 10€, ça vaut le coup. Donc un autre truc qui est sorti chez Aquilos cette fois pour 16€, c'est Weird Detective de Fred Van Lent et Jiu Villanova. Oui, il faut vraiment que je fasse un jingle pour quand je vais dire des noms, parce qu'à chaque fois je les écorche de ouf. Donc le pitch, c'est une vague de crimes trop singulier et étrange pour un inspecteur moyen frappe depuis peu les rues de New York. La seule personne capable de lutter contre cette terreur indécible n'est pas un homme, car il faut un monstre pour les attraper, pour attraper d'autres monstres, et l'inspecteur Sebastian Green est justement un des leurs. Et donc selon Aquileos, nous définit comme prenez un peu d'appel de Cthulhu et un zeste de MPD Blues, et vous aurez une idée du contenu de Weird Detective, un polar fantastique que vous ne serez pas prêt de lâcher. Ça a l'air plutôt sympathique. Ça, j'ai lu pour le coup. Ah, tu l'as lu? Alors déjà, c'est bien dans le résumé d'expliquer que le personnage principal n'est pas humain, comme ça au moins ça nique déjà une partie du comics. Ah, d'accord, merci. Bah, merci les gars. Je ne fais que récupérer le pitch qu'on m'a donné. Ouais, c'est un mélange de noir, Cthulhu, d'enquête, un bon épisode d'X-Files. Ouais, c'est sympa. Il y a vraiment une ambiance que j'avais bien aimée, moi, effectivement, dans ce genre. Ça révolutionne pas la roue, mais c'est exactement dans ce genre-là. Si vous voulez passer un petit moment un peu occulte, c'est pas aussi génialissime que du Alan Moore parfois. J'ai lu The Net Nameless de Grant Morrison aussi, qui est totalement barré dans le même genre. Là pour le coup, ça reste, ouais, enquête surnaturelle, alien, machin, tout ça. C'est pas mal, j'ai bien aimé, ouais. Ok, et le troisième titre dont je voulais vous parler, c'est Eternal Warrior, la colère du guerrier éternel, de chez Blix Comics pour 30€. Donc c'est scénarisé par quelqu'un qu'on connaît un peu ici, c'est Robert Venditti, donc qui était sur Green Lantern, il est encore, je sais plus où, je crois. Ouais, toujours là, ouais. Toujours en soi, qui est dessiné par plein de, donc je vais pas vous lister, mais il y a beaucoup d'artistes qui passent dessus. Donc c'est les histoires du guerrier éternel. Donc c'est un personnage qu'on a vu, si vous avez lu un peu de Valiant, c'est un des personnages principaux, c'est le guerrier immortel qui garde la Terre. Et là, apparemment, il a enfin fini à combattre la Terre, mais il ne veut pas aller au paradis, il veut continuer à se battre. Et donc voilà, vous allez voir tout ça. Je trouve que Bliss Comics fait vraiment du super boulot, et faut souligner ça. Et vous pourrez aller voir, franchement, ça sera bon à mon avis. Ouais, ils sont bien leurs éditions. Puis Venditti, c'est un bon, il écrit bien. Ouais, oui, sur Green Lantern, c'est pas facile de passer après Geoff Johns qui était le. Oui, en mettant Geoff Johns. Ouais, voilà, c'était voilà. Mais il a galéré au début, là, il a trouvé son temps depuis quelques temps, donc je suis assez curieux en fait. Ouais, c'est un mec que je vais suivre un peu aussi. Ouais. Il avait fait du Xo Manowar aussi chez Valiant il y a quelques temps, que j'avais dû arrêter parce que je me manquais un peu de temps et de pognon. Mais c'était pas mal. Est-ce que t'as lu un peu de Valiant, Bertrand ? Pas du tout. Pas du tout. Il va falloir se mettre à Valiant, c'est vraiment cool. C'est pas une question. Oui, c'est pas une question. Oui. Est-ce que il y a quelque chose qui a hypé les gens autour de la table dans ces trois titres ? Non, surtout j'ai trop de choses à lire. Et on va finir par ça. Si vous voulez vous mettre à, je vous l'ai déjà dit, si vous voulez vous mettre à DC, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que vous avez le Rebirth qui sort. Et cette semaine sort Batman Rebirth 1, Wonder Woman Rebirth 1, Suicide Squad Rebirth 1 et Justice League Rebirth 1. Donc vous voulez tout ça c'est en librairie, donc c'est les gros reliés. Vous avez envie de lire du Batman, du Wonder Woman ou même du Justice League, allez-y, c'est maintenant qu'il faut le faire. Non, lisez du Marvel plutôt. Non, DC c'est vraiment mieux. Disons-le. Super argument. Voilà. Bon, j'ai fini sur mes news. On va passer à la pause musicale qui a été choisie par Tom. Est-ce que Tom à la technique peut nous donner le titre de la Bonjour. Salut. Alors le titre c'est un morceau du Skeleton Band, donc on a reçu dans la méridionale d'aujourd'hui. Okay. Donc on en remet une couche comme ça. Et c'est Monstro, c'est extrait de leur dernier album. Voilà, c'est des Montpelliérains. Ils sont quatre, okay. Et c'est très très cool. Ok, bon, on va passer à la pause musicale et on va essayer de voir vos commentaires pendant ce temps. Et voilà, à tout de suite, après le morceau. We'll be right back. Et c'était, j'ai complètement oublié le nom, si Tom peut nous le rappeler. Le Skeleton Band. Voilà, ok, Monstro, merci beaucoup. Monstro. Et bah, on va commencer directement dans la thématique de l'émission. Alors que je viens de récupérer la Wi-Fi, donc je vais pouvoir voir vos réactions. Même si vous n'êtes pas grand monde sur le chat, c'est un peu dommage. Donc bah, n'hésitez pas à venir interagir. Donc on va vous parler de Wonder Man, comme on vous l'avait annoncé. Juni va nous parler du début du run, en tout cas, de Azzarello, donc le run New 52. Je crois qu'il va nous parler des dessins de Cliff Chiang, surtout. Ouais, voilà. Surtout, ouais. J'ai eu la chance de lire Wonder Woman Earth One de Grant Morrison et de Yannick Paquette. Mathieu va nous faire un petit topo sur Kike. De quoi? Kike Wonder Woman. Ouais, voilà, Kike Wonder Woman, exactement. Ah merde, j'ai oublié de demander si Tom peut appeler Faye, parce que Faye devait nous faire un petit topo sur la série télé. Je suis désolé. Et j'ai envoyé Wonder Woman Rebirth à Bertrand pour qu'il nous donne un petit avis sur qu'est-ce que ça donne Wonder Woman maintenant, directement, en Rebirth. Et en plus, j'ai pu jeter un coup d'œil. Spoiler, c'est assez cool, je trouve. Ouais. Donc voilà, on va commencer directement avec Mathieu. Avec moi, allez. Ouais. Alors, donc voilà. ça va être difficile de parler de Wonder Woman sans parler un peu de son auteur. Il s'agit de William Moulton Marston, qui est diplômé d'Harvard, docteur en psychologie, avocat, professeur scientifique, créateur crédité du détecteur de mensonges, consultant pour Universal Pictures, écrivain et proche des milieux des défenseurs des droits des femmes. D'ailleurs, pour la petite histoire, il vivait avec deux femmes, qui ça se passait plutôt bien. Sa première qui était avocate, c'est et une petite dire. Étudiante qu'il a rencontrée entre-temps, et ce petit monde vivait à trois sans aucun problème. D'ailleurs, il y a un film qui est prévu en 2017 avec Luke Evans dans le rôle sur un biopic sur eux, en fait. Oui, parce que le monsieur a quand même une vie assez intéressante. Ouais. La légende voudrait que l'une de ces deux femmes l'ait inspiré pour Wonder Woman et l'autre pour Hippolyte, la reine des Amazones et maman de Wonder Woman. Et donc c'est quelqu'un qui d'entrée de jeu se battait pour la tolérance et contre les préjudices que pouvaient avoir contre les préjudices aux personnes parfois un petit peu non conformistes. Et donc en 1940, l'éditeur de DC Comics, qui ne savait pas du tout tout ça d'ailleurs, l'embauche parce que déjà les comics sont pointés du doigt comme étant beaucoup trop violents pour la jeunesse américaine, et il recrute le docteur Marston, qui est un nom parfait pour se redorer un peu le blason. Le blason, oui. Et donc parmi les conseils qu'a donné ce docteur, c'est de créer une héroïne, une super héroïne, à côté des deux autres Superman et Batman qui étaient là depuis une paire d'années. Bah, je crois qu'elle arrive en 33, je crois, ou un truc comme ça. Elle arrive en 41. Et c'est Superman qui arrive en 33, donc 8 ans après. Et Batman 39. Qui arrive en 33? C'est Superman qui arrive en 33. Ouais. Non, c'était 38. Hein. 38, t'es sûr? Il me semble que c'est plus proche, c'est vraiment proche les trois. Batman arrive l'année d'après. Ouais. 39, ouais. Ok, bah, et donc, c'est l'éditeur dit il n'y a pas de problème, par contre, c'est toi qui la scénarise. Et pour le coup, il est parti sur le. C'est déçu. Ouais. Ah ben, sur le moment, oui. Il est parti sur le mythe des Amazones, la légende grecque, donc ce peuple libre de guerrières uniquement constitué de femmes. Et d'ailleurs, autour de ce comics, le professeur Marston déclara des choses assez fortes quand même, comme quoi le comics suit le grand pouvoir qui est en train de naître, celui le pouvoir des femmes. Je rappelle qu'on est en 1940. Et Wonder Woman, de ses propres dires et de la propagande psychologique pour le nouveau type de femmes qui, selon lui, devrait gouverner. Ce qui était quand même pas mal couillu pour l'époque. Et donc en décembre 1941, dans All-Star Comics 8, apparaît Wonder Woman, la plus connue des super-héroïnes, la seule super-héroïne qui n'a jamais cessé d'être éditée depuis 1944. À partir de 1944, les deux autres sont Batman et Superman, donc c'est quand même pas dégueu comme panel. Du coup, c'est fait la trinité de... Ça fait la fameuse trinité de DC Comics. Et les origines à ce moment-là du personnage, donc c'est une Amazone, les Amazones vivent sur une île isolée du reste de l'humanité qui s'appelle Themyscira, me semble. C'est la reine Hippolyte, donc sa mère, demande à avoir un enfant. Elle prie les dieux pour qu'on lui donne un enfant, elle fait une statue en argile et les dieux l'exaucent, et donc naît Diana, sa fille. Et des années plus tard, le pilote d'avion Steve Trevor se crache misérablement sur l'île des Amazones. Ouais. Le chanceux ou pas, à voir. Et à ce moment-là, la reine Hippolyte je pense que c'est le bon moment, donc en 1940, c'est le bon moment pour les Amazones de sortir de leur réserve, d'aller combattre les nazis. Un tournoi se fait dans lequel Diana finit championne et elle part pour le monde des humains, le monde des mortels. En tant qu'ambassadrice des Amazones, elle prend le nom de Diana Prince. Et ses capacités à ce moment-là, ses pouvoirs viennent grosso modo du panthéon grec. Force, vitesse, beauté, intelligence, sagesse. Elle est équipée de ses fameux bracelets qui lui permettent d'arrêter les balles. c'est le cliché assez connu, et du fameux lasso qui de la vérité, hein. Lasso de la vérité. Donc lorsqu'on se fait embriguer dans son lasso, on est obligé de dire la vérité. Dr Marston qui a créé le détecteur de vérité aussi, donc on n'est pas très loin de la même thématique. À partir de là, donc je vais pas vous faire chier avec 70 ans de comics, parce qu'il y en a eu pas mal. Quelques grandes dates, donc on est en 1941. En 1942, elle obtient déjà son propre titre. Elle intègre aussi un groupe de super-héros qui s'appelle la Justice Society of America, où elle est leur secrétaire. On est quand même en 1940, ah ouais. Ce qui est d'autant plus stupide que c'est de très très loin la plus puissante du groupe. Mais bon, voilà, le droit des femmes à l'époque. Elle est déjà chez DC à cette époque-là. Oui, oui, ça y est, ouais. Okay. En 1947, le Dr Marston décède. Et à partir de là, les scénaristes qui suivent, très sincèrement, laissent un peu tomber la thématique féministe du personnage. Mmh. Ça, voilà, ça devient une super-héroïne beaucoup plus classique. En 1960, elle est membre fondateur de la Justice League of America, le gros groupe de super-héros chez DC Comics. D'ailleurs, donc avec Batman, Superman. Batman, Superman, Green Lantern, Aquaman et 2-3 autres. En 1975, la fameuse série télé avec Linda Carter. Dont Faye va nous parler dans 30 secondes. Voilà, qui est peut-être plus ça qui est connu quelque part que les comics. Et ensuite, comme tous les personnages qui ont vécu comme ça pendant 70 ans, elle a évolué un petit peu au gré des reboots. Donc c'est procédure éditoriale qui fait qu'un éditeur va relancer un peu ses séries pour moderniser un peu le bazar et tenter de choper des nouveaux lecteurs. Et en 1986, donc, sa série s'arrête comme quasiment toutes au cours d'un gros événement de comics qui s'appelle Crisis on Infinite Earths. Et la série est bien évidemment de suite relancée par Greg Potter et George Perez, qui pour le coup remettent un petit peu de féminisme et de mythologie grecque dans la sauce. C'était a priori, j'ai pas lu j'avoue, mais un run à lire à ce moment-là. Ensuite, on saute en 2011 donc le nouveau reboot chez DC Comics, donc c'est les nouveaux 52, les New 52, on en a parlé ici plusieurs fois. C'est Brian Azzarello et Cliff Chiang qui reprennent la série. Le run dont va nous parler Juni. Dans quelques minutes. Là, pour le coup, le mythe de Wonder Woman est un peu plus modernisé. On vire l'origine de la statue d'argile qui était peut-être un peu ridicule. Ouais. Et on invente en fait ses origines comme quoi elle serait une liaison entre Hippolyte et Zeus, ce qui pour le coup, fout un peu le bazar parce que du coup c'est quand même une demi-déesse pour le coup, puis oui, oui. Zeus ça rigole moins quoi. On revoit un peu ses pouvoirs, on revoit un peu son armement, on revoit aussi le mythe des Amazones qui pour le coup est un peu plus négatif parce que en fait elles séduisent des marins pour pouvoir procréer. Comment tu spoil tout toi? Attends, laisse Johnny en parler peut-être. Bon, alors il se passe rien du tout avec les marins. En l'occurrence, je voudrais pas parler de ça parce que voilà, ça fait partie des grosses révélations qui sont même des éléments. Bon, après, ça dépend des gens. Pas mal de fans de la vieille époque de Wonder Woman n'aiment pas trop cette partie, mais non, je n'en aurais pas parlé parce que tant qu'à faire, si les gens veulent lire le truc. C'est une surprise, c'est sympa. Il n'y a plus, voilà. Il n'y a plus de surprise. Merci Mathieu. Une surprise. Et après, elle meurt, voilà, fin de l'histoire. Non, après. Mais après, elle devient la déesse de la guerre. Oui, ouais, a priori, il y a autour du personnage d'Arès qui était sa némésis, le gros méchant des années d'avant, et qui là, a priori, devient plutôt son mentor. Ouais. De ce que j'ai compris. C'est le meilleur chapitre d'ailleurs, j'ai trouvé. Et en 2016, donc, Rebirth, le nouveau reboot de DC. Le run dont nous parlera Bertrand dans quelques minutes. Là, c'est Greg Rucka et Liam Sharp, je crois. Greg Rucka, c'est pas mal. Ouais, a priori. C'est génial. Et pour le coup, alors j'ai pas lu, il nous en parlera un peu mieux. Je crois qu'elle est amnésique. Et visiblement, il joue pas mal là-dessus, vu qu'elle a des origines, pour le coup, qui ont un peu changé au cours du temps. On sait pas. Mais c'est une nouvelle origin story, en fait. Enfin, voilà, on en parlera tout à l'heure. Ça a l'air assez habile. Et ce qui fait que, mine de rien, je crois qu'on doit s'approcher pas loin des 700 numéros, ce qui est quand même pas dégueulasse. Pour une super-héroïne et pour un comic de manière générale. Ouais. Et ça continue encore. Et pour finir, donc, juste parler de l'icône aussi, qui est donc Wonder Woman, une icône féministe, défenseur des droits de la femme. Alors pour le coup, j'avoue que moi j'en ai jamais trop lu. Ce que j'ai pu lire quand même, c'est que c'est plus le symbole vraiment que ce qui se passe dans les comics. Dans les comics, il n'y a quand même pas énormément de choses particulièrement féministes. Si ce n'est, je crois, en 2006, Greg Rucka qui scénarise déjà Wonder Woman et qui lui fait ouvrir à travers le monde des centres d'aide aux femmes battues. Après, Greg Rucka, il est très connu pour. Il a un engagement très féministe. Oui, même ouais. Dans Gotham Central, c'était. Oui, ouais, ça se sentait aussi. Ouais. Potter et George Perez, quand ils ont repris la série en 1986, aussi, l'origine des Amazones, en fait, c'était des âmes de femmes mortes à cause des hommes qui ont intégré, des corps pour former les Amazones. Et du coup, c'est pas vraiment dans les comics, peut-être que vous pouvez trouver cette icône féministe un peu, c'est plus vraiment dans ce qu'elle représente. Il y a Phil Jimenez qui a beaucoup bossé sur Wonder Woman, qui disait dans une interview il y a pas très longtemps que tu pouvais très difficilement scénariser Wonder Woman. Enfin, c'était toujours forcément particulier, c'est quoi qu'il arrive une héroïne particulière. D'ailleurs, il y a énormément de polémiques qui se sont fait quasiment toujours autour. On va passer sur la poitrine de Gal Gadot ou son aisselle, parce que ça c'est complètement con. Même quand le run de Razzarello Halo où elle avait un pantalon et tout le monde avait râlé qu'elle avait combien voilà, un pantalon. Ouais. Et parmi les plus ridicules, Azarello aussi, lorsqu'il a annulé le fait que c'était son origine n'était pas une créée par Hippolyte elle-même avec de l'argile, mais une union quasiment basique entre une femme et un homme. Ouais. Même si c'est voilà, pas mal de personnes avaient, enfin, partie avait critiqué parce que ça faisait un peu ouais. comme si tu annulais une PMA. Alors que bon, là c'était un peu naze parce qu'à l'époque en 40, procréation médicalement assistée, ça marche, enfin, ça n'existait pas forcément vraiment. Mmh. Il y a quand même pas mal de trucs un peu cons là-dessus. Il y avait Frank Shaw qui avait fait une couverture qui avait fait beaucoup parler aussi, où tu la voyais dans une position très très très sexy, pour le coup peut-être un peu réductrice, certes. Et en fait, tu la voyais sur un toit comme ça, quasiment à quatre pattes, bien cambrée, et t'avais Batman qui sortait la tête en disant mais t'es en train de faire quoi là? Et Wonder Woman qui disait je suis en train de booster la popularité de mon comics, j'espère que ça marche. Mmh, pour le coup, les féministes avaient gueulé. Ça c'était bon, ça même encore plus compliqué que ça, ça avait commencé avant elle parce que Frank Shaw aime bien dessiner les filles bien en chair et dans des positions plus ou moins chuisées. En fait, il fait de la pin-up, mais ouais, il fait ouais. ça pour le fun en fait. C'est pas les trucs qu'il vend chez DC ensuite. Il faisait ça pour le fun. Il y en a beaucoup qui ont râlé et du coup, il s'est mis à faire le troll et il s'est mis à faire ce genre de dessin exprès pour les embêter, pour faire râler, ouais, les en mettant des messages dedans. Et au final, ça a pas dégénéré, mais il y a un scénariste chez DC Comics qui, comme il l'aimait pas en tant que personne, visiblement, il a essayé de le faire virer sur un bouquin de Wonder Woman dont il faisait les couvertures, où là, pour le coup, il y avait strictement rien de sexy dedans. Elle était même plus musclée que d'habitude. Et là, pour le coup, il a été obligé de s'en aller parce que, à cause de la pression, en fait. Donc bon, ça a fini par dégénérer dans des proportions assez étranges et non justifiées à mon avis. Ok. Bah, c'est souvent le cas aussi. Il y a Meredith Finch aussi, l'une des scénaristes, donc qui est arrivée après Brian Azzarello. La femme de David Finch. Qui a tweeté que leur Wonder Woman serait une femme forte, mais pas forcément une femme féministe. Enfin, le tweet était un peu plus compliqué que ça. Et du coup, les mecs ont sorti deux mots du contexte et ça a gueulé, alors que la série sortait 5 mois après. Donc ouais, c'est quand même un personnage qui catalyse, surtout en ce moment, beaucoup de... Ça n'a rien à voir, mais j'ai vu un tweet de Dan Slott qui m'a vraiment fait rire. C'est un peu pour cristalliser un peu ce problème-là. C'était un mec qui venait le voir dans une convention et qui lui disait franchement, je suis désolé, votre Super Spider-Man, maintenant c'est un de mes runs préférés. J'ai adoré ce que vous avez fait. Vous aviez une vraie vision, vous saviez où vous vouliez aller. Et quand vous avez sorti au début, je vous ai insulté tous les noms sur Twitter. Et maintenant, je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Ah oui, je crois que c'est toi qui l'as retweeté ça, non? Je sais pas, ça me dit rien. Ok, bon, ouais, Dan Slott qui avait subi des menaces et de mort. En fait, ouais, il avait subi pas mal de trucs. Et du coup, qu'est-ce que tu penses de le mec qui est sur Captain America en ce moment? Je sais plus comment il s'appelle. Et de Captain. Donc, qu'est-ce que tu penses de Captain America en mode Hydra? Captain Nazi. Ouais, Captain voilà. Nazi. Et le mec a direct répondu: ah, mais putain, cet auteur c'est un enculé et c'est vraiment de la merde. Donc, les fans n'ont aucun recul par rapport à leur personnage, c'est abusé quoi. Ouais, c'est un peu compliqué, surtout que bon, ça reste des personnages de comics qui vont être rebootés. Non, quand ils meurent pas vraiment parce qu'ils existent pas vraiment. Et puis bon, tu vas pas tuer Spider-Man ou Batman. Mais du coup, Wonder Woman n'est pas qu'un personnage de comics, c'est une icône. Et Faye va nous parler de ce côté iconique avec la série télé, puisque à mon avis, c'est plus comme ça qu'elle est vraiment connue par le grand public. C'est ce qu'on dit souvent avec Juni, c'est des personnages qui sont connus, mais en fait, personne n'a lu les comics. Ouais, voilà. Est-ce que tu es là, Faye? Oui, je suis là, tu m'entends? Oui, je t'entends bien. On va dire pour les gens, tu es malade, donc tu n'as pas pu venir. Et on te remercie de bien vouloir répondre au téléphone. Bah, et d'animer le chat en plus. Oui, voilà. C'est vraiment multitâche. Oui, je passe un petit coucou à Dupont David, qui est sur le chat avec moi, un camarade de Star Wars en direct. Voilà. Nous, on parle de Star Wars pendant que tu fais ton émission. Ah, bah attendez, j'arrive. Parce que, en fait, Wonder Woman, je m'en fous. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler vite fait de Wonder Woman en série télé? Oui, oui, bien sûr. Déjà, bonsoir à tout le monde. Hein. Donc voilà, je suis désolée de ne pas être avec vous, mais je suis avec le cœur. Et donc, Wonder Woman, c'est un souvenir d'enfance. Mais ce qui est étonnant, c'est que la série, elle a commencé en 1975 sur ABC d'abord pour à peu près une saison. Et en fait, son but, c'est de remplacer une autre série phare de la chaîne qui était Super Jimmy, qui est le spin-off de l'homme qui valait 3 milliards. Vous savez, le petit Steve Austin. Ouais. Donc bref, la série en fait se passait dans les années, enfin dans la Seconde Guerre mondiale, et donc on retrouve un peu comme dans le comics, donc l'arrivée du fameux pilote sur l'île des Amazones, et on avait donc le personnage de Wonder Woman qui décidait donc d'abandonner sa tribu pour partir avec lui et vouloir sauver l'humanité. Et donc pour ça, elle a reçu en fait des objets, donc le bracelet, l'espèce de couronne, le lasso. Et ces objets en fait lui permettaient de pouvoir garder sa force et ses pouvoirs en dehors de l'île. Ouais. Donc ils avaient un rôle quand même assez important. Donc la série, donc Wonder Woman, elle était interprétée par Linda Carter, qui était une ancienne Miss Monde. Donc c'est un choix un peu, on va dire, pour un personnage en fait féministe et tout, prendre une Miss, c'est quand même pas... Mais ils ont fait le même choix avec Gal Gadot, qui est une Miss, qui est pas actrice, qui est une Miss, Israël. Mais c'est ça exactement. Et un des points intéressants de la série, c'est que on traite à la fois de Wonder Woman, mais aussi on a de la place pour le personnage de Diana, qui est donc l'alter ego de Wonder Woman, qui travaille donc avec Steve, si je parle bien du pilote. Steve Trevor, ouais. Voilà, donc on a sa personnalité qui est un peu développée. Elle est à la fois touchante, tout en étant quand même un symbole de femme forte, qui est une femme d'action, qui règle des problèmes, qui est plus intelligente limite que le mec avec qui elle est. Et ça, pour l'époque, ça changeait pas mal. Et ensuite, pour continuer sur la série, donc quand la saison 1 s'est terminée sur ABC, la série coûtant trop cher, ils ne pouvaient pas la continuer. Donc c'est CBS qui a repris jusqu'en 79. Et là, en fait, on a changé d'époque parce que faire une série sur la Seconde Guerre mondiale, ça coûtait trop cher à faire. Et ils ont décidé de transporter l'action dans les années 70. Et là, en fait, suite à une histoire un peu compliquée à base du triangle des Bermudes, nous avions notre ami Wonder Woman qui se retrouvait avec le petit-fils de Steve, le fameux pilote. Et là, elle bossait cette fois-ci pour le FBI. Donc c'était fantastique. Et là, j'ai des souvenirs, même en revenant de recherche, je suis tombée sur des histoires un peu bizarroïdes, comme Wonder Woman contre une espèce de bande de mimes. Ah ouais. Mais est-ce que t'as revu est-ce que c'est pas trop cheap maintenant? Eh bien, j'allais te dire, quand je l'ai revu, je trouve que ça, c'est quand même très marqué 70s, même si nous, en France, on l'a eu dans les années 80. Au début, c'est passé fin 79, début 80 sur Antenne 2 à l'époque, ouais. Mais c'est surtout en 87, et là, c'est là que je m'en rappelle, c'est diffusé sur la 5. Et c'est vrai que c'est mon petit plaisir de regarder ça. Et attention, l'instant souvenir, à l'époque, parmi toutes les histoires que je faisais, je m'amusais à faire le tour sur moi-même dans la cour de l'école, oui, en chantant Wonder Woman. Tu vois, comme toutes les petites filles à l'époque. C'est ça qu'elle faisait alors. Putain, j'avais pas compris. Ça m'avait super marqué parce que vraiment c'était cool d'avoir un personnage, une super héroïne qui était vraiment aussi badass qu'un Superman par exemple ou un Batman. Donc c'était moi j'ai beaucoup apprécié. Alors par contre, ce qu'il faut savoir aussi au niveau de la série pour terminer, donc je disais oui, c'est très marqué 70s, donc c'est très kitsch à voir maintenant. On pourrait limite, je dis bien limite, hein, parce que c'est quand même encore au-dessus, le rapprocher des fameux téléfilms genre Captain America avec le bouclier en plastique. Tu vois le truc, mais c'est quand même un truc que franchement, pour avoir revu des épisodes, j'ai pris du plaisir à regarder. Donc moi, je conseillerais aux gens qui ne connaîtraient pas la série, qui étaient trop jeunes quand elle est sortie, d'y jeter un petit coup d'œil parce que l'actrice est vraiment, elle fait du super boulot. Voilà les histoires. Bon, comme je dis, c'est dans celle d'époque, c'est voilà du niveau de série de, je sais pas moi, de Drôle de Dame, tu vois, truc comme ça, mais quand même un peu plus intelligemment fait, okay. Avec des personnages féminins un peu meilleurs. Sinon, l'aventure Wonder Woman en série, ça s'est pas arrêté là. On a failli avoir en 2011 une série faite par David Ukele, donc qui a fait par exemple le showrunner de la série Ally McBeal. Donc le pilote avait été tourné, vous pouvez le trouver sur internet, mais malheureusement la série n'avait pas été retenue. Il y a eu pas mal de scandales, notamment aussi une affaire de costume de Wonder Woman qui avait été modifiée. Et dernière info importante, on a échappé au pire. En 2013, la CW voulait faire une série sur la jeunesse de Wonder Woman. Et ça n'a pas été au stade du pilote, hein, je vous rassure. Heureusement. C'était supposé être fait par Greg Berlanti encore. Alors, j'ai pas trouvé le nom, mais ça ne m'étonnerait pas. Et du coup, tu parles à moi, c'est ce que tu as un petit avis que l'expert en série que tu es. Est-ce que tu as un avis sur la série Wonder Woman? Je suis en train de te poser une colle parce que je sais que tu n'as absolument pas vu. Mais oui, je suis vraiment en enfoiré. Non, je ne l'ai pas vu. Mais Linda Carter, elle a l'air effectivement assez sympathique dans le rôle. Mais c'est tout ce que je peux dire dessus. Et vraiment, elle avait une présence, elle avait un charisme de fou à l'écran. Ouais. Et c'était vraiment cool. Et je te jure, ça ne m'étonne pas qu'elle soit devenue une icône parce qu'elle incarnait vraiment bien le personnage. Et c'était dur de passer après elle. Et je trouve que Gal Gadot, pour le peu qu'on en a eu pour l'instant, elle se débrouillait pas trop mal. D'ailleurs, à la première de... On en parlera plus tard de film. Juste pour dire que Linda Carter avait donné son approbation. Son approbation pour... Ouais, okay. Ouais, juste Lina Carter, du coup, elle était très fière de faire ce rôle-là et elle a essayé de le jouer. Elle savait qu'elle avait une responsabilité à incarner ce personnage à l'écran. Et elle a déclaré qu'elle n'avait jamais essayé de la jouer sexy et tout le monde a. Enfin, apparemment, les critiques de la presse et des spectateurs ont été unanimes sur la qualité de son interprétation. Et, ok, ouais. C'est cool. Elle fait la force de la série, quoi. Ouais. Eh ben merci beaucoup Faye, on va te laisser te reposer et on va passer. Je vais vous regarder et je vais retourner sur le chat du coup. Ok, merci beaucoup à toi. Bah merci, bonne fin de soirée. Merci. À bientôt. À tout à l'heure. Ouais, tout à l'heure. Du coup on va passer à Juni, qui on va faire chronologiquement. Voilà. Bien sur le répondeur de Faye. Comment ça chronologiquement? Bah oui, parce que tu fais le New 52 Rebirth. Non, tu fais les New 52. Oui. Il fait les Rebirth et moi je suis au milieu en fait avec Earth One, okay. qui est sorti en 2016. D'accord. Donc, voilà. Alors le bouquin que j'ai choisi, et comment vous expliquer? En fait, les super-héros c'est relativement compliqué à suivre à cause de tous les reboots. Et en 2011, il y a DC qui s'est amusé à faire un nouveau reboot de tout leur univers, et ils l'ont appelé New 52 parce qu'il y avait 52 nouveaux numéros, enfin nouvelles séries. Et parmi toutes ces séries, ils ont relancé Wonder Woman, et le plan c'était, on va modifier un peu les personnages pour les rendre plus proches du monde moderne de maintenant. Et Superman a vu son slip rouge dégagé. Et Wonder Woman, l'accent qui a été pris, c'était on va essayer de la rendre un peu moins. Comment dire, ils sont partis sur un axe un peu plus familial en fait avec elle, un peu plus violent aussi. Donc on a une Wonder Woman qui dans le dessin est beaucoup plus. Elle est grande, elle est bien. Elle est pas massive, mais elle est bien bâtie. Ce qui, franchement, pour moi, je trouve que c'est un look qui va vachement bien et que j'ai pas retrouvé dans les autres bouquins du genre Superman et Wonder Woman ou des trucs comme ça où ils avaient tendance à la dessiner un peu plus sexy et un peu plus petite et plus frêle. Là, elle avait vraiment une carrure d'Amazon en fait. Donc au scénario, on a Brian Azzarello qui vraisemblablement avait une longue idée de ce qu'il voulait faire comme scénario, et son idée en fait c'était réimaginer l'origine de Wonder Woman, réimaginer comment elle est née, et lui imaginer une nouvelle dynamique avec tout ce qui est mythologie grecque, qui était toujours là mais qui avait vraisemblablement pas été utilisé des masses jusque là. Mmh. Et là ils sont vraiment allés sur un angle très personnel, et c'est comme t'as dit, elle découvre qu'en fait au lieu d'avoir été créée à partir d'argile, elle a été créée par le fait que sa mère s'est tapé Zeus en fait. Après c'est mon cas personnellement, mais je préfère le truc de l'argile, je trouve ça plus original. Ah ouais, en fait il y a déjà tellement de demi-dieux si tu oui, veux oui, oui, du coup. Voilà, en faire une demi-déesse en soi c'est vraiment pas original comparé au... Bon bref, comme j'ai dit, c'est vraiment un cas, c'est vraiment moi en particulier, et ça colle plus au matériel d'origine, du coup c'est un peu plus collé à la mythologie grecque, tout ça. C'est bizarre, je veux dire, Zeus il se change en animal pour se taper certaines oui, personnes oui, c'est sûr. On n'est pas assez près niveau bizarre, hein. Effectivement. Donc elle découvre qu'elle est en réalité la fille de Zeus, et le gros du scénario c'est que elle se retrouve embrigadée parce que Zeus s'est encore une fois tapé la mauvaise personne. Ouais. Une jeune fille qui s'appelle Zola et qui vit toute seule. Et Hera est pas contente parce que Hera n'est jamais contente quand son mari va se balader avec d'autres filles. Et du coup, en fait, le problème c'est que Zola maintenant elle est enceinte et elle va avoir un nouveau demi-dieu. Et tout le monde veut en fait la peau de ce demi-dieu. Hera parce que comment cette femme a osé se taper mon mari. Il y a Apollo qui veut le trône parce qu'il a entendu une prophétie comme quoi, mais maintenant que Zeus a mystérieusement disparu, le trône est vacant et le bébé serait celui qui le prendrait et tuerait l'un d'entre eux. Et donc Apollo décide de tuer le bébé et prendre le trône pour lui. Enfin, tout le monde veut ce bébé en fait pour des raisons diverses et variées. Et du coup, on a l'occasion de voir Wonder Woman interagir avec tous les membres de cette famille. Et du coup c'est un titre vachement olympien en fait, c'est qui se concentre vachement oui et non, c'est à dire qu'en fait il y a un peu cette gimmick de tous les membres de la famille grecque divine où tu vois, tu sais, comme je dis, c'est une gimmick, c'est vous voyez comment on a réimaginé tel et tel personnage, comment on a réimaginé Hadès, Poséidon, etc. Et comment dire, au niveau du scénario, le problème principal que j'ai eu c'est que j'ai pas réussi à m'identifier avec qui que ce soit. Parce que Wonder Woman en elle-même est assez pâle en tant que personne. Elle est souvent agressive, mais il y a aussi des moments où elle peut être très compatissante. Il y a des moments où j'ai trouvé qu'elle était vachement bien utilisée d'ailleurs. Mais en fait, la majorité du temps, le fun vient des interactions entre les membres de la famille grecque. Okay. Comment chacun d'entre eux est un bâtard avec les autres. Et le gros point fort finalement, et c'est pour la raison pour laquelle j'étais un peu vénère justement, c'est qu'ils avaient utilisé comme gros argument de vente pour ce bouquin que le dessin allait être fait par Cliff Chang. Et le truc, c'est que Cliff Chang a un dessin qui est magnifique, qui ressemble à un peu comme les... Comment dire, ça ressemble un peu à, aux illustrations de mode des années 30, on va dire, en France. Et c'est super beau. Et le truc, c'est qu'il a dessiné quelques issues, puis il est parti, il l'a remplacé par une autre personne, et il est revenu pendant un numéro, puis il est reparti, et c'est un peu gonflant le système américain de changer les artistes en permanence. C'est comme ça, ouais, surtout voilà. Sur plein de comics, ça va être comme ça. Quoi. Voilà, et le truc, c'est que. Et ça, ça joint justement à un autre souci que j'ai eu, qui est mon souci principal, c'est que c'est long, ça dure 35 numéros, l'histoire du bébé. Mais ça prend tellement de temps que c'est un peu le cas classique de l'histoire de super-héros où tu te rends compte qu'au bout d'un moment, ils remplissent un peu avec des éléments qui sont pas forcément nécessaires pour avoir 35 numéros alors que tu aurais pu le faire en 15. Du coup, tu le conseilles pas tant que ça en fait Ça dépend en fait. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour les couvertures de Cliff Chang, c'est génial, c'est juste magnifique. Et c'est un même artiste qui revient à chaque fois régulier ou ils sont deux sur le titre ou c'est ça change. Il y en a trois, je me rappelle plus les noms des deux autres. Cliff Chang revient de temps en temps pour faire l'intérieur, mais il est là à chacune des couvertures. OK, mais c'est oubliable enfin c'est Ça dépend. Disons que étant donné que c'est Cliff Chang qui a fait les designs des personnages à la base, les artistes les reprennent, donc visuellement ça change pas des masses, c'est le style qui change vraiment, mais les designs restent les mêmes et ça reste relativement sympathique. Ouais. Après c'est surtout au niveau du scénario, faut vraiment avoir la patience je dirais et trouver un angle de s'intéresser au personnage. Mais est-ce que c'est un personnage vers lequel toi tu vas te tourner en te disant tiens j'ai pas lu Wonder Woman, j'ai envie de lire du Wonder Woman? Celui-là je m'étais intéressé plus par rapport au dessin parce que justement je me suis dit j'ai jamais vraiment lu de Wonder Woman, elle était dans quelques histoires que j'avais lues par-ci par-là mais j'avais jamais rien lu de centré sur elle. Et c'est le scénario qui pêchait le plus pour moi dans cette histoire finalement. Ça et le changement constant de dessinateur. Cela dit, il y a un numéro, le numéro 0, où ils ont... Brian Azzarello s'est amusé à partir dans une espèce de trip Silver Age où il écrivait comme à l'époque. Donc c'est une histoire en un numéro, extrêmement bien contenu, extrêmement bien rythmé, où c'est juste Wonder Woman jeune qui rencontre Ares pour la première fois, il en fait son élève et ça, ils ont une petite aventure ensemble. Et c'est comment dire, je pense que c'est le format parfait d'une aventure de super-héros. C'est un truc en un numéro, c'est court, c'est simple, c'est une aventure tranquille. Et c'était génial. Et le truc, c'est qu'en plus, il y avait cette petite gimmick de on écrit comme à l'époque, du coup, t'avais du vieil anglais, des trucs comme ça, c'était marrant. Okay. C'était vraiment ma partie préférée en fait. Ok, donc lisez le numéro 0 et oubliez le reste apparemment. Ça dépend, pas oublier, mais tester en fait. Je pense que ça va dépendre de chacune des personnes. Et du coup, tu continueras, enfin, est-ce que ça t'a donné envie de lire autre chose sur Wonder Woman ou pas du tout en fait? Pas spécialement, mais je le ferai quand même parce qu'il y a des angles dedans que j'aime bien. C'est juste cette exécution là en particulier qui m'a pas marqué particulièrement. Okay. Mais l'univers a l'air intéressant en fait, dans sa complexité, on va dire. Moi je pense qu'il faut vraiment, je t'enverrai ou je te passerai le comics plutôt. Je pense que le titre dont j'ai de parler ça va plus te parler justement. Alors moi je vais vous parler de Wonder Woman Earth One. Donc Earth One c'est la Terre 1, du coup c'est une autre Terre, donc c'est alternatif à ce que... C'est un monde parallèle. Un monde parallèle, voilà, excusez-moi, je trouve plus mes mots, à ce qu'on lit dans les comics normalement. Et en fait souvent c'est une relecture un peu du personnage. Et là c'est écrit par Grant Morrison. Donc Grant Morrison c'est un scénariste écossais qui est connu notamment pour son travail sur All-Star Superman avec Frank Whiteley. Je crois que le Star du... c'est pas un truc que tu kiffes Non, je... Si, mais je préfère Birthright. Ok. D'accord. Moi j'aime pas trop Frank Whiteley, je trouve ça très moche. On en parlera plus tard peut-être. Pour lequel il a reçu 4 Eisner Awards, donc c'est pas rien quand même. Mais il est surtout connu pour son immense run sur Batman qui est assez décrié. Enfin moi j'aime pas tout. J'aime beaucoup le début. Je trouve la fin vraiment pas géniale. Et je suis pas un grand fan de Morrison d'habitude. Je trouve qu'il part un peu souvent dans des trucs un peu... Il est complètement fou. Oui, il est complètement taré ce mec. Et par contre, c'est dessiné par Yannick Paquette. Yannick Paquette, c'est un artiste canadien qui est très, très, très, très, très talentueux. Que vous avez pu voir notamment sur Swamp Thing durant Infinity 2. Lisez le Swamp Thing, il est vraiment très cool. Avec Scott Snyder au scénario, c'est vraiment très, très bien. Et là, alors Wonder Woman, c'est une nouvelle origin story. Donc c'est Morrison qui réinterprète un peu toute la mythologie autour de Wonder Woman. Et du coup, là, c'est Hercule qui a attaqué les Amazones et qui malheureusement a essayé de les... comment dire... enfin de les violer, de voilà, avoir des trucs un peu et de les asservir, on va dire plutôt. Et elles ont réussi à se rebeller et du coup c'est pour ça qu'elles se sont coupées du monde des hommes pour pouvoir vivre entre elles. Et on retrouve une Diana donc qui là aussi est selon sa mère modelée dans la glaise et la princesse des Amazones, mais qui est très curieuse et qui en a un peu marre de ce monde qui est très figé des Amazones et qui a très envie de découvrir le monde extérieur. Et un peu comme dans toutes les origin stories de Wonder Woman, Steve Trevor va arriver et en fait ça va être plus un prétexte pour Diana qu'elle va prendre pour pouvoir aller découvrir le monde des hommes. Et malheureusement, enfin ou heureusement, du coup on a une histoire, elle va s'enfuir de Themyscira sans le dire aux autres, enfin en volant un avion invisible. Ils ont sorti l'avion invisible. Oui, ils ont ressorti l'avion invisible. Comment des Amazones font pour avoir un avion? Parce qu'elles ont une technologie en fait dans Earth One. Elles ont toute une technologie avancée en fait. Okay. Et donc elles volent l'avion et elles se cassent. Et du coup, les Amazones vont essayer de la retrouver. Et il va y avoir, elles vont la ramener à Themyscira. Il va y avoir tout un procès et tout. Et bon, après, c'est pas foufou. Il y a un angle très, je trouve, un petit angle féministe autour de Wonder Woman qui essaye de se libérer du joug de sa mère et tout, c'est assez intéressant. Mais moi, ce qui vraiment m'a marqué dans ce comics, c'est les dessins d'Yannick Paquette qui sont ouf quoi. Il fait une Wonder Woman et même toutes les Amazones qui sont super super sexy. C'est pas à outrance, mais c'est vraiment très bien et c'est vraiment très beau. Si vous avez l'occasion d'aller voir quelques images, allez regarder, c'est vraiment très très joli. En plus, il fait un très très gros boulot sur c'est un de ses gimmicks un peu sur le découpage. À chaque fois, il essaie de jouer un peu entre les cases. Genre les cases vont être dessinées par à un moment, c'est le lasso de la vérité qui va dessiner les cases. Donc c'est vraiment très très beau et je pense que c'est un très très bon titre pour commencer Wonder Woman. Vous connaissez pas trop Wonder Woman, vous lancez là-dedans et bah voilà, ça va être très bien. Et je pense que j'ai fini. J'espère que je vous ai donné un peu envie de lire Morrison Paquette. Oui. Oui, mais de toute façon, allez voir ce que fait Paquette. C'est vraiment très très. Un livre de recettes les deux, je pense. Je sais. Bon, on va passer à notre petit nouveau qui va nous parler de Rebirth. Attention, hein. C'est ton entretien, c'est ça? Voilà. Donc, qu'est-ce que tu as pensé de... Est-ce que tu veux nous parler un peu de Rebirth et Oui. Alors, je l'ai dévoré. Il est génial. Franchement, je connaissais vaguement le personnage de Wonder Woman, surtout au niveau d'icône, comme on parlait. On savait à peu près d'où elle vient, sans vraiment savoir son histoire. Mais là, ça fait du bien parce que c'est. Si vous voulez connaître, c'est le moment. C'est quoi? C'est 170 pages qui se lisent tout seul. C'est vraiment génial. Donc je vais essayer de pas trop spoiler parce que c'est pas vraiment le but. De toute façon, c'est une origin, ils reprennent l'origin story, donc c'est. C'est ça. Donc il y a pas vraiment de grandes nouveautés sur le personnage. Ouais. Qu'il est transposé pour être un peu plus comment dire à notre époque. Donc là, c'est plus vraiment les nazis qui a par combattre, mais plus une organisation terroriste. Voilà, but qu'on sait pas trop. Donc c'est pour rappeler actuellement ce qui se passe. Mais comment dire. Alors on n'apprend pas vraiment de réelles révélations sur le personnage. On sait pas vraiment d'où il vient. On la retrouve, j'ai l'impression, plus jeune que... Ouais, elle a un côté jeune. Elle a un côté beaucoup plus jeune que ce qu'on a l'habitude de le voir. Et c'est plus... Donc elle quitte Themyscira en tant que championne des Amazones. Donc les Amazones offrent Wonder Woman au monde des hommes pour aider Steve Trevor à combattre cette organisation terroriste. Donc ça ressemble plus pour l'instant à une sorte de récit initiatique sur Wonder Woman qui découvre notre monde avec ses travers et ses choses jolies. Elle découvre par exemple il y a plein de blagues sur le fait qu'elle découvre l'alcool, sur différents cocktails. C'est en tant que jeune fille, en tant que femme, donc voilà, c'est parce que Steve Trevor lui fait du coup du GHB. Non, c'est à coup de margarita. Il y a un truc intéressant, je trouve, c'est qu'en fait elle parle pas le même langage. Et je trouve qu'ils l'ont bien traité ça. En fait, elle parle pas anglais. Donc il y a tout un moment où on va voir qu'elle parle pas anglais. Donc ils vont chercher quelqu'un qui va essayer de traduire. Quelqu'un y a déjà pensé. Enfin. Et du coup, après le lasso, enfin sans spoiler, c'est juste un petit truc. C'est le lasso de la vérité qui va faire que elle va pouvoir apprendre un peu mieux le langage anglais, l'anglais du coup. Et je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, ça, bon, je veux pas spoiler ce que t'allais dire, mais ils introduisent un autre personnage qui est Minerva. C'est ça, exactement, le docteur Barbara Anne Minerva qui est, qui pop un peu comme ça, en mode... Mais je sais pas si tu sais qui c'est dans la mythologie de Wonder Woman, du coup. Pas vraiment, donc ce qui est bien, c'est que je découvre avec, avec l'histoire ce qu'elle m'apporte, et pour l'instant, on voit, on sent l'enfance difficile. Un peu cliché des personnages de comics. Ouais. Mais pour l'instant, ça arrive un peu face, elle est très... une sorte d'Indiana Jones, féminine, un peu bourrue, mais quand même très, très instruite. Ouais. Qui est à fond à la recherche des Amazones. C'est ça, c'est ouais. Elle a voué sa vie à ça, ouais. Sa vie exactement. Et pour les gens qui ne sauraient pas, enfin, c'est pas du spoil parce que c'est vraiment un nom connu dans le monde. C'est un des némésis de. Donc c'est Cheetah, un des némésis de Wonder Woman, qui va devenir une espèce de femme léopard bizarre. Donc voilà. Et en fait, l'introduction du personnage est vraiment très intelligente. Je trouve vraiment, on voit qu'elle construit une amitié qui est bien écrite avec Wonder Woman. Et on n'a pas encore vu le moment où elle bascule du côté du mal, mais ça va. On sent que ça peut arriver très rapidement parce qu'elle a un côté un peu extrémiste qui est un peu écrit tout le long du comics. Là, tu viens de me briser le cœur là. Je suis désolé. Là, je suis en deuil. C'est... Et je trouve que les dessins sont vraiment cool. Il y a un côté un peu ce que tu disais. Il y a une sorte de patine un peu old school pour faire comme vraiment. Enfin, je sais pas, c'est pas comics old school, mais il y a une sorte de patine qui fait vieux. Il y a vraiment un côté un peu vintage, on dit, non, c'est ça, un peu Silver Age, je trouve. Elle a vraiment cet aspect là c'est pas du Jim Lee ou du David Finch qui va très propre. Il y a vraiment un côté même dans les couleurs et tout, ça, c'est les couleurs un peu qui font un peu délavé, comme vraiment les dessins des c'est un peu pastel, donc... C'est ça exactement, là, couleur très pastel, très enfin très tableau, qui fait vraiment pulp, très... du coup, alors plus ouais peut-être un peu dans ce délire là, ouais. En tout cas, moi, c'est un titre que je vous conseille vraiment, donc vous pouvez aller faire un petit tour sur ça. Bah, merci de nous en avoir parlé. On va passer à une deuxième pause musicale et après on va revenir pour vous parler un peu du film. On va revenir un peu sur qu'est-ce qu'on a comme attente par rapport à BVS, tout ça, et qu'est-ce qu'on... BVS, on peut tout le dire. BVS. Et c'est encore une fois, c'est Tom, notre merveilleux technicien, qui a choisi la chanson. Merveilleux. Exactement. Le mot est bien choisi. Le mot est choisi, oui. la chanson, c'est I Can't Keep Loving You. Merveilleux accent aussi. De 716. Donc 716, c'est un Lyonnais qu'on avait fait venir pour le Tropisme Festival. Je sais pas si vous vous rappelez, en tout cas, c'est très sympathique. Ok, et après, on va faire le concours pour les gens qui voulaient gagner. C'est bien qu'il présente les morceaux de musique parce que lui, il connaît les titres et les auteurs. C'est ça, bien. Change. C'est, je crois que je vais faire ça après. Ça va être la nouvelle tâche du technicien. Ouais, voilà. Allez, c'est parti. Allez, 716. But I gave you all my love, and I wish you were there. I know you were upset, but I gave up on your love, and I wish you were there. And I wish you. And I wish you were there. You were there. I can't keep loving you. I can't keep loving you. And I wish you were there. can't keep loving you. On est en train de manger, du coup c'est un peu galère, mais on va revenir sur le film Wonder Woman. Et comme vous voyez, on est en train de manger les donuts de chez My Donuts, et on va vous les faire offrir. Et pour ça, il va falloir répondre à une question en répondant à donc la question qu'est-ce que c'est pas du tout préparé. Hein. Mathieu vous a dit que le créateur de Wonder Woman a été un inventeur sur. J'ai posé ça. Ah oui, c'est vraiment improvisé, ouais. Donc, il était un inventeur de quelque chose, et vous me dites en commentaire. T'as pas écouté, c'est le. Non, je déconne, vas-y. Vous me dites par mail qu'est-ce qu'il a inventé, et vous envoyez ça à contact@comicsdiscovery.fr. Et ça va être pour les donuts. Et deuxième question pour. On peut jouer nous aussi parce que moi oui. J'ai la réponse. Hein. Tu peux jouer si tu veux. Wonder Woman la réponse. Et pour les places de ciné, parce qu'ils nous en et je vous en avais réservé en direct. Si vous gagnez votre place de ciné pour aller voir Wonder Woman au Grand Multiplex, il vous suffit d'envoyer quel est le nom de famille qu'a pris Diana quand elle est arrivée. C'est ce que Faye nous a dit. Le nom de famille qu'a pris Diana pour arriver. Peut-être il faut fermer les. Les trucs, ça va être plus pratique pour les moucherons. Désolé. Donc quel est le nom qu'on est arrivé dans le monde des hommes. Et vous voyez ça encore une fois sur contact@comicsdiscovery.fr. Et je vous dirai ça parce que je vais récupérer les places demain. Donc et vous me dites ça, vous avez jusqu'à allez on va dire on est mardi jusqu'à jeudi. Comme ça vous pourrez aller voir Wonder Woman et prendre un. Et prendre une boîte de 6 donuts offerts par les charmantes demoiselles de chez mydonuts.fr. Oui, parce qu'on a eu la chance de les rencontrer avec Vincent tout à l'heure. Ah d'accord, ça on savait pas. Elles sont très charmantes. Je voyais pas le rapport en fait, mais maintenant oui, ça y est, je comprends mieux. Et voilà, et du coup on va continuer sur BVS vite fait, on va aller jusqu'à 30, vous parlez vite fait, pas de BVS, j'ai une fixation sur BVS. Oui, on sait. Ouais. Tu sais qu'il y a des psychologues, hein. Oui, je vais en parler. Bonjour, j'adore Ben Affleck, je rêve de Ben Affleck, comment ça se fait? Du coup, qu'est-ce que vous attendez du film? Et qu'est-ce que vous attendez du cinématique univers de DC? Et on va commencer par Bertrand. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils me surprennent et que. Parle bien pour mon micro. Oui, enfin, je veux dire. Qu'ils me surprennent et qu'on n'ait pas un Suicide Squad 2, donc beaucoup de hype pour au final une grosse déception. Ouais, effectivement. Voilà. Je veux une Wonder Woman forte et pas potiche et pas qui serve de faire valoir, qu'elle ait sa propre série, qu'elle mérite sa place, pas qu'on la mette là parce que c'est Wonder Woman, mais qu'elle fasse quelque chose de. Ok, c'est un avis qui est défendable. On va passer à Arros, tiens, parce que quand même le monsieur nous fait la technique très gentiment. Ben. Moi, en fait, ouais, bah, j'attends que ce soit mieux que Suicide Squad, c'est sûr. Après, je peux pas dire que j'attends quelque chose de particulier. En fait, les films DC m'ont plutôt surpris, que ce soit en bien ou en mal. Contrairement aux films Marvel, où je trouve que c'est un peu tout le temps la même formule qui est appliquée. Alors, bah, j'attends que celui-ci se démarque également des précédents films qu'a produit DC. Et moi, pourtant, pour l'instant, je suis plutôt hype par le film. Et j'ai hâte de voir cette première super-héroïne à l'écran, du coup. Ok, bon, on va faire dans le sens de la table. Juni, ça va être court parce que je sais que tu l'attends pas trop. Ça dépend. Ma grosse question, ma grosse crainte, c'était que ça soit fait parce qu'il fallait le faire, que la réalisatrice a été choisie plus ou moins. Pour des raisons pas... Ouais, voilà. Et du coup, en fait, je suis un peu tout ce qui est retour depuis que le film est sorti aux États-Unis et dans tous les pays où il est déjà sorti. Et les retours, généralement, c'est que le film casse pas trois briques de manière révolutionnaire, mais que vraisemblablement, c'est un bon film, que c'est une histoire relativement classique de super-héros, mais que contrairement aux autres films DC qu'on a eu depuis Man of Steel, c'est un film sur un héros et pas juste... Enfin, pas sur un dépressif chronique. Et en fait, ça a l'air d'être un film avec un bon vrai super-héros, peu importe le genre du super-héros, et les gens qui l'ont vu sont contents, sont revenus. Il y a eu des parallèles qui ont été faits avec les vieux films de Superman de Christopher Reeve. Ouais. Par rapport au fait que c'est un film lumineux qui fait plaisir, où tu t'amuses bien, mais en même temps ça te donne un peu, ça t'inspire, on va dire. Genre le personnage est inspirant. Ça fait feel good un peu. Voilà, ça plus l'autre crainte que j'avais, c'était que étant donné que c'est le premier personnage féminin depuis un bon moment en super-héros. J'avais un peu peur que le studio avait toute la mode un peu d'utiliser le féminisme comme argument de vente. J'avais un peu peur que le film justement tape un peu trop là-dedans. Ouais. Et ils ont l'air d'avoir, de ce que j'en entends en tout cas, ils ont l'air d'avoir réussi à faire juste un film sur un super-héros et sur un personnage en fait. Okay. Et les éléments justement féministes sont bien utilisés sans jamais avoir à descendre un mec ou à vouloir mettre les femmes à un niveau trop élevé ou quoi que ce soit du genre. Ils ont apparemment fait ça de manière intelligente. Et je sais pas si c'est Jeff Jones qui a apporté son grain de sel dans l'histoire pour essayer de changer un peu comment il faisait. C'est possible, je sais pas, mais en tout cas de ce que j'en entends, ça a l'air cool, donc ouais. Ok. Mathieu, pour que j'ai envie de t'appeler Thomas, je ne sais pas pourquoi. Comme tu veux. Thomas, alors du coup. Alors moi, j'en attends rien, mais rien comme rien, parce que à mon avis, ça va être. Je pense effectivement, j'écoutais Juni, c'est l'idée qui va se faire. Il va rien se passer dans ce film. C'est tellement polémique Wonder Woman que tu veux pas la voir faire des trucs particulièrement extraordinaires. On va avoir 2-3 vannes sur le féminisme et 2-3 machins comme on a pu voir dans la bonne annonce. Ouais. Le reste, ça va être je pense qu'ils ont vraiment voulu essayer de fâcher personne. Ouais. Et du coup, ça va être sans doute un bon film parce que les bonnes annonces sont vraiment en vie, les scènes d'action enterrent les scènes d'action de la plupart des films de Warner, voire même des films de super-héros, elles sont vraiment impressionnantes. Ça va être clean, ça va être nickel, ça va être ce qu'on veut voir. Ça, 20% d'aventure, 20% d'humour, un peu de sentiment, un peu d'action. Moi j'ai peur que ça fasse trop une redite de Captain America, ça a l'air d'avoir vraiment le même aspect que le premier Captain America qui avait un peu ce délire-là. Ouais, c'est vrai que c'est un peu sur ce genre de sentier-là. Après, bon, le fait que ça soit une fille, ça va forcément apporter un petit plus. Ouais, c'est sûr. S'il y a des chances, effectivement, ouais, les retours sont bons, il y a des chances que ce soit un bon film de super-héros, et c'est déjà pas mal pour Warner, parce que c'est quand même pas top pour l'instant. Il va falloir qu'ils arrivent à capitaliser là-dessus. Après, moi, de ce que j'ai pu suivre, c'est quand même le film qui est le mieux produit chez eux pour l'instant. C'est-à-dire que t'as pas 250 histoires de merdier au milieu, t'as pas des mecs qui claquent la porte, t'as pas des scénarios qui sont réécrits. Le prochain Flash, c'est une catastrophe. Oui, non. Trois scénaristes se barrent, mais ils ont réécrit 4 fois. Ce n'est pas encore une catastrophe. Ils ont rien tourné. Ils ont rien tourné, rien écrit encore, donc pour l'instant. Justement. Ils ont écrit 2 trucs qui étaient foutus à la poubelle parce que c'était pourri. 3 réalisateurs sont partis pour différents artistiques. Ça va peut-être faire un bon film, mais là ça pue du cul quand même. Alors que celui-là, relativement clean, donc je pense que ça va être un bon moment de cinéma. Faudra pas trop en demander. Ok. Bah, je crois qu'on a fait un peu le tour, non? Enfin, moi je l'ai pas dit. Moi j'attends, forcément, c'est lui d'ici, donc je l'attends beaucoup au tournant. Ouais. Je suis très fan de cet univers-là, mais je pense que je vais être hypé comme. Enfin, je vais kiffer comme j'ai kiffé tout le reste de chez DC, à part Suicide Squad. Tout ce que je souhaite, c'est que ce soit pas Suicide Squad et qu'on garde quand même cet esprit qu'avait Warner d'avoir des films quand même un minimum sérieux avec un vrai. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut sur Man of Steel et sur BVS. Mais c'est quand même super. C'est quand même des films qui avaient un propos et qui essayaient de raconter quelque chose qui faisait pas juste du Marvel Studio quoi. Ils avaient une heure de trop surtout. Non, ils mais ont essayé. ils ont essayé de faire quelque chose, tu vois. Je dis pas qu'ils ont réussi. Pour moi, ils ont réussi, mais peut-être pas pour tout le monde. Mais du coup, j'espère que ça va être réussi sur ça. Bah, il a l'air en plus un peu déconnecté du reste, donc pour le coup, ils sont de moins emmerdés avec des continuités à la con, ce genre de truc. Ça va peut-être être plus simple, un peu comme les Gardiens de la Galaxie, où le mec il fait son délire dans son coin, le reste du Marvel Universe, grosso modo, à part un bidule et un truc comme ça. C'est sûr que quand t'as moins de caméos de Flash à faire rentrer dans ton film, c'est plus facile. Certes. Ok, bon, on va finir plus tôt finalement. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera pas diffusé en direct malheureusement, mais on va revenir justement sur le film, on va faire une spéciale sur le film, donc il sera que en podcast malheureusement pour vous. Enfin, peut-être qu'on la mettra, je l'enverrai une partie sans spoiler à Radio Campus Montpellier, il passera en rediffusion. Et sachez que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. On dit merci au Gaumont Multiplex de nous avoir offert ces 10 places de cinéma que je vais vous faire offrir plus tard. Je vous rappelle le concours. Donc les deux questions, c'est quel nom de famille qu'utilise Diana pour dans le monde des hommes, c'est pour gagner les places de cinéma. Et la deuxième question, pour gagner les donuts, c'était quelle invention a fait Charles Marston William Moulton Marston. Il se faisait appeler Charles, oui. Je crois. Charles Moulton, je crois. Du coup, quelle est l'invention qu'il a créée, tout simplement. Vous pouvez ça sur contact@comicsdiscovery.fr. C'était notre première en live sur YouTube. Sur Internet. Bon, malheureusement, ça n'a pas été un net succès, apparemment. Bon, c'est pas grave. On retentera une prochaine fois. Plus de femmes nues la prochaine fois. D'accord, on essaiera, ouais. On peut ça. On prend les conseils de la technique. D'ailleurs, merci à la technique pour avoir fait, comme d'habitude, un super boulot. Merci beaucoup à Nicolas de Amalgame. Allez voir Amalgame tous les vendredis à 20h, ça parle de jeux vidéo. Merci beaucoup à lui, c'est lui qui nous a installé tout le matériel pour le stream. Donc voilà, merci beaucoup à lui. J'ai encore semé le doute, c'est à 20h ou c'est à 19h Amalgame? C'est à 20h Amalgame. C'est 20h, 22... Ouais, 20h, 21h30 le vendredi. Ouais, okay. Voilà, tu vois, j'avais raison. Merci beaucoup, Arros. Quoi. Et Arros, est-ce que tu veux parler? On va tourner un truc cette semaine. Oui, l'émission de Geek en série sur BoJack Horseman. Ouais. Voilà, donc du coup, ça sera... ça passerait vendredi, normalement. Vendredi, ouais. On va tourner ça demain, normalement. Donc voilà. On vous dit tous les coulisses. Je suis sûr que Faye est complètement énervée qu'on dise les coulisses parce qu'elle aime pas qu'on fasse ça. On montre peut-être le dessin de Juni avant de... Ouais, bah vas-y. Ouais. Alors attends, il faut prendre la caméra. Ah ouais. J'ai déjà reçu deux messages, donc j'ai dit des conneries. Ça veut dire que j'ai dit des conneries. Ça veut dire que tu peux aller à l'hôtel. Si, les gagnants, oui, mais. C'était étrange à faire d'ailleurs. On va dire la première liste des gagnants, mais vu qu'il n'y a personne sur le live, ça sera rien. C'est pas grave. Hein. Donc, on a sélectionné déjà 4 premiers gagnants. Donc, Lucas Perrier, bravo à lui. Seth White, Axel Spéanley et Jérémy Brandly. Et Jeanne Bissinger. Donc voilà, bravo à ces 5 personnes qui ont gagné ces 5 premières places de ciné. Et les prochaines, je vous enverrai un mail. Vous savez, encore le concours comme d'habitude. Et donc voilà, tu peux t'as montré le dessin. Ouais. Donc merci à Juni d'avoir décidé en live. Je savais que ça te stressait un peu au début. Stressé, non, mais c'est spécial de dessiner en sachant qu'il y a des gens que tu vois pas qui eux voient. Mais surtout que j'ai rien dessiné de. Comment dire, j'ai pas dessiné de personnage déjà établi, du tout, j'ai pas mal gribouillé. Ça va, j'aime bien. T'as dit de faire un Batman. Est-ce que ça tente de retenter l'expérience une prochaine fois? Ouais. J'ai trouvé une composition d'image pour Wonder Woman, je la ferai au propre chez moi en grand et je vous la filerai après. Ok, bah merci beaucoup. Vendredi, 14h, Geek en série. Voilà, c'est dit sur BoJack Horseman. Vous pouvez me retrouver. Maintenant, vous allez pouvoir me retrouver. En plus, le lundi à 19h, vous allez me retrouver dans Dernier Créneau, donc qui est un talk-show d'actu geek et numérique. Le lundi à 21h sur la chaîne de Pop of 34. On mettra le lien dans la description. Et voilà. Merci beaucoup à Bertrand d'être venu pour nous parler de Wonder Woman. J'espère que l'expérience t'a plu. C'était génial, franchement. Ok, et c'est cool. Et merci pour les donuts parce qu'ils étaient très bons. Franchement, ils étaient bons. Ils étaient très très bons. Le nom, tu es en radio. Faut dire oui. Oui, non. Non, mais en fait, j'ai mangé un truc avec du bacon dessus et je sais pas ce que c'était, mais on aurait dit un mélange entre du bacon et du yaourt. Et bizarrement, c'était bon. Voilà. Bon moi je vous dis à la prochaine et on va se quitter sur ça. Moi tu me remercies pas du coup. Non, d'accord. Non plus. Non, allez, merci beaucoup. Juste pot d'amande, voilà, c'est juste. Ouais, voilà. devrait en faire une un jour. Ouais, spécial. Mais quand il sortira en TBB, il est pas sorti en TBB encore. Plein de fois. Allez, bye. Ciao, à plus.